pour profiter des fêtes de semaine au camping en famille. Parce que la COVID-19 est toujours là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi malsain, on doit tous se laver les mains. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir tout le monde, amateurs de bonne musique. Et vous êtes en compagnie de Jean-François Lamort à l'émission Terra Incognita. Ce soir, samedi 15 août 2020, à 22h. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on est absent des ondes. Ben pas absent pour ce qui est de notre émission, parce qu'on était là en mode confinement, si on veut, là, c'est-à-dire des émissions préenregistrées. Mais Michel a brisé la glace la semaine dernière avec une émission studio. Et ben là, maintenant, c'est moi qui est là, mais fait inhabituel, Bruno est absent aujourd'hui. C'est un fait assez rare pour le noter. Donc, aujourd'hui, ben, on va parler de toutes sortes de choses. Entre autres, il y a un nouveau progressiste. Ben, en fait, il est sorti depuis quelques semaines, mais étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, ben, on va faire ça ce soir. Et on va parler des différentes chroniques. Mais un autre fait nouveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, disons, depuis le mois de mars, là, je pense que vous l'avez constaté. Eh bien, il n'y aura pas de chronique de concert parce que, ben, France n'est pas là. Mais aussi, des concerts, ben, il n'y en a pas, malheureusement. Plusieurs bons concerts qu'on attendait ont été annulés. Et ben c'est tout à fait malheureux. Mais c'est partie remise. Il y a même le festival Terra Incognita qui a été remis également. Et ben on va parler de Kansas, le nouvel album de Kansas qui s'appelle The Absence of Presence. Et c'est sorti dernièrement et il y a une version double avec un Blu-ray là, qui offre une version 5.1. Donc c'est très intéressant. Et bien, Kansas, depuis 2000, en fait, depuis Somewhere Elsewhere, ben, je pense que ce groupe-là fait très bien. Et en plus, il est venu nous visiter au mois de novembre dernier. Tout un spectacle, mes amis, nous étions là, et ça a été quelque chose de mémorable en ce qui me concerne. Donc, Kansas va très bien, et on va entendre une pièce du nouvel album. En fait, ça va être la pièce titre, la pièce qui rouvre ce disque-là. Et il y aura aussi un extrait du CD sampler de Progressiste numéro 100, et ça va être le groupe Duranfo. C'est un groupe de la Grande-Bretagne qui a été créé en 2012. C'est originaire de Northwich. C'est un premier album qui s'appelle Some of Erda. Et ce qu'il y a de particulier avec eux, c'est que leur musique est instrumentale. On compare ça un petit peu dans Progressus à Camel, Mike Oldfield. On parle aussi beaucoup de Gong et du groupe français aussi Tal. On écoutera aussi un petit peu de Icahn Method, mais on va y aller tout de suite en musique avec le groupe Kansas qui nous offre une pièce qui s'appelle The Absence of Presence. Thank you. can hear the echoes as they reverberate. I turn to chase the sound again, but I'm just a step too late. I can still remember the way it resonates. The presence of absence disappears. I know you're there, but you're not really here. Late for us to see. just to find some words to be spoken with our souls. Don't you feel confusion? Don't you care about who still wants to take control? Sainte-Foy et Loretteville. Surveillez nos nouveautés et voyez ou revoyez certains classiques sur grand écran. Deadpool, Baby Driver, Au nom de la Terre, Sam Sam, Journal de Bolivie, Psychose et Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Éclatez-vous avec le clap à la maison, avec notre service en livraison ou pour emporter. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! La rentrée est toujours synonyme de nouveautés. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés, ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré, ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés. Et elle sera unique, comme les autres années. Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place. Et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. Donc, c'était The Icahn Method. C'est un groupe d'Italie qui est formé avec Luca Grosso. Et Grosso, c'est un collectif et c'est un projet comme il y en a beaucoup en Italie. Et celui-là, ben, son but, c'était de rendre hommage à des groupes comme Marillion et IQ. IQ, ça paraît beaucoup, peut-être un peu moins dans celle-là, mais tant qu'à moi, faisait plus référence à un groupe comme Arena. Mais la voix, moi, me fait penser quand même passablement à Galahad. Peut-être moins dans ce cas-ci, mais il y a certaines pièces, là, qui, en tout cas une en particulier, là, No More Lies, là, pour moi, ça sonne comme du Galahad. Et c'est très, très bon. Moi, j'aime beaucoup cet album-là. C'est merveilleusement bien produit. C'est très inspiré. 9 pièces très, très bonnes, dont 4 instrumentales. Et à ce moment-là, bon, on pense un peu aux sonorités de Genesis ou d'IQ. Dans le cas de Genesis, je pense un petit peu à Unquiet Sambler for the Sleeper. Moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, c'est un album qui s'appelle Blue Sun, et c'est assez sombre là, comme texte, mais la musique est lumineuse et très inspirée. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et juste avant, c'était le groupe de Grande-Bretagne, Duran Faux, que je vous ai présenté juste avant, dans ce premier bloc. Et on avait débuté avec Kansas, et c'est un très, très bon disque que je vous conseille très fortement. Et ben, pour ce deuxième bloc, on va parler d'Abel Gance, qui vous a été présenté un petit peu plus tôt, là, dans les dernières semaines. Et c'est un album qui a un titre assez long, là. Ça s'appelle « The Life of Honeybee ». And other momentary clarity. Donc, ils ont été assez inspirés pour ce qui est du titre, parce que c'est un titre assez long. Et dans le cas d'Abel Gance, disons qu'aux premières écoutes, on reste surpris un petit peu. La tangente qui avait été prise avec Shooting Albatross, c'est-à-dire genre de folk, là, dans ce cas-ci, dans le cas de Shooting Albatross, ben ça faisait un petit peu folk celtique. À l'album suivant, donc le précédent qui est sorti il y a plusieurs années, on voyait un peu certaines influences, Crosby, Stills and Nash, là, qui ressortaient sur certaines pièces. il pouvait tomber aussi dans le jazz. Là. C'était très, très intéressant. C'est un disque que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi leur performance quand ils sont venus au Festival Terra Incognita il y a déjà à peu près deux ou trois ans. Et la pièce qu'on va entendre, ça s'appelle Sepia and White. Et c'est une des pièces assez longues, là, 13 minutes 23. Il y en a une autre aussi qui est également assez longue. Et bien, c'est nouveau. En tout cas, c'est moi, je trouve qu'ils ont poussé encore plus le côté folk. Là. Mais ça demande plusieurs écoutes là, pour bien s'imprégner. Il y aura aussi un groupe qui s'appelle Saris. C'est un groupe allemand. Leur album s'appelle Beyond the Rainbow. Et c'est d'ailleurs la pièce titre qu'on va entendre. Donc, on y va en musique avec Abel Gans. Is constant, remarkably strong. The life by your side, a good reason to stand tall. Carefree days, a distant haze, still sometimes as close as the heat from the summer sun. Awareness revealed, reality that stares you in the face. Just posted superlative praise, the love of your life 25 years too late. And now there's the children, you make them laugh, their favorite song, the one you sang them yesterday. Left now, the rather reduced. Imprints marking every turn and curve. We'll be right back. 22 CPNY. I remember you always too far off. Is it black and white? listening to the siren's song. Time to leave the quiet waters to find an island never seen. Take me far away, we will ride across the lines and the storm that has begun will control. We'll be right back. ARL. Chez moi, chez les autres, avant d'entrer dans un magasin, dès que je le peux, je me lave les mains. Je le fais pour protéger ceux que j'aime, mon petit-fils, mon mari, pour continuer de recevoir à la maison cet été, pour profiter des fêtes de semaine au camping en famille. Parce que la COVID-19 est toujours là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi malsain, on doit tous se laver les mains. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Vous rêvez d'aller voir Imagine Van Gogh, l'exposition immersive au Centre des congrès de Québec? CKRL vous offre l'expérience. Comment faire? Participez à notre concours sur la page Facebook et la page Instagram de CKRL et courez la chance de gagner votre paire de billets. Deux gagnants seront déterminés lors d'un tirage ce lundi 17 août, 9h. Et cette magnifique pièce de Saris s'appelait « Beyond the Rainbow ». Et c'est un album qui s'appelle du même nom. Et le groupe est allemand. C'est pas comme tel un nouveau, parce qu'il existe depuis 1981, mais ça a pris beaucoup de temps avant de finir par pondre un album. Et ça a été dans les années 90. Et depuis ce temps-là, ben ça a pris encore une quinzaine d'années là, avant qu'il soit régulier. Donc depuis à peu près 2010, là, ils sortent un album de temps en temps. Ils en ont 5 ou 6 à leur actif. Et ben je connais pas les autres, mais celui-là, moi, ça me plaît. Il y a un bloc central là, qui est composé de pièces du même genre de ce qu'on vient d'entendre. Autrement, c'est un néo-progressif là, très énergique, style un peu Asia. Et dans les dernières, moi, ça m'a accroché un peu moins. Mais disons qu'en général, on a une heure là, qui est assez intéressante. Et avant ça, c'était Abel Gans, extrait de leur album, The Life of Honeybee and Other... Clarity. On a entendu Sepia and White. C'est un titre tellement long qu'on en oublie des séquences. Et ben, je vous parlais de Progressis numéro 100 parce que ça fait 25 ans qu'il existe et c'est quand même pas rien. Et moi, je trouve qu'ils ont eu une bonne idée. Ils ont fait une rétrospective des 25 dernières années, mais en retenant un album là, par année, ben pas par année, par numéro. Donc pour le premier numéro, ils ont choisi Citizen Kane, Somewhere But Yesterday. Là-dedans, dans cette liste là, de 100-là, ben, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça fait une belle rétrospective, puis ça nous permet de repenser un peu à ces disques-là, et en ce qui me concerne, ben, moi, j'ai trouvé assez le fun là, de voir que ces albums-là, ben je les connaissais, puis ça a été vraiment quelque chose de majeur. En deuxième, ben on retrouve, en fait, pour le deuxième numéro, Collage Moonshine. Je pense que c'est un grand classique qu'on n'a pas écouté depuis longtemps, mais je pense qu'on pourrait se replonger là-dedans. White Willow, Ignis Fetus, évidemment. Spock's Beard, The Light, je pense que c'est un incontournable. Et... moi, j'ai beaucoup aimé la mention qui a été faite de Universal Totem Orchestra, Rituale Alieno. Je me souviens, quand cet album-là est sorti, pour moi, ça a été une révélation. Je trouve ça tellement extraordinaire. Et bien, j'ai eu... c'est un peu un hasard, là, mais dernièrement, j'ai réécouté ça, puis je trouve ça même encore meilleur qu'à l'époque. Voyez le petit paragraphe qui donne « Rock progressif très complexe, néo-classique, gothique, jazz-rock, crépusculaire, chœur grégorien et incantation zéulienne guerrière sont le ressort de cette extravagance somptueuse qu'on l'on doit à un spin-off de la formation italienne Runaway Totem. Le très long Saturno est aliénant de beauté. » Effectivement, moi, je suis d'accord avec tout ça. Un très, très bon disque que je vous conseille fortement. Et, ben, on va y aller avec Airbag. Je pense que c'est un disque que vous connaissez parce que on en a déjà fait jouer. Michel en a fait jouer régulièrement. Ça s'appelle A Day at the Beach. Donc, on va en entendre un extrait qui s'appelle Sunset. Thank you. place a finger pointing down at me from a hole between the clouds. I'm being told just how to think and feel, what to say and what to do. I take my pills and watch my TV. No sudden moves, no thoughts of mine. I go to bed and say my prayers. It's a comfortable routine. campagna che sfoltisce il suo pelo. Devo restare ancora un poco allo specchio e riconoscere il mio labbro, il mio occhio. Ma se stasera io dovessi partire, quanti progetti e fantasie a svanire. Non avrei scritto una parola ai miei cari, o alla mia edera cresciuta in settembre. Tutto quello che io stesso volevo si sta ingrossando come il mare nel vento. Così i miei scogli sono già imbiancati, senza che ancora io li abbia esplorati. Fermare il tempo con astuzia sottile potrebbe essere riuscire a dormire, ma non stanotte mi costringo a pensare di come amare se dover lavorare. Aspettare di vederti sfidare, le stesse fiamme che mi bruciano gli occhi, lo stesso vento che le fa increspare. Mi rallenta la corsa invecchiare, una passione sempre più prorompente, a costruire, studiare, suonare, tutto quello che io stesso volevo si sta ingrossando come il mare nel vento, così i miei scogli sono già imbiancati. Senza che ancora io li abbia esplorati, fermare il tempo con astuzia sottile potrebbe essere riuscire a dormire, ma non stanotte costretto a pensare di come amare se dover lavorare. Full of life and full of wonder. dictate. What goes around comes around all too soon. She wants to go, my friend, to the days that just don't end. Sur CKRL. Comme un petit oiseau qui chante des chansons, je suis heureuse. Vous rêvez d'aller voir Imagine Van Gogh, l'exposition immersive au Centre des Congrès de Québec? CKRL vous offre l'expérience. Comment faire? Participez à notre concours sur la page Facebook et la page Instagram de CKRL et courez la chance de gagner votre paire de billets. Deux gagnants seront déterminés lors d'un tirage ce lundi 17 août, 9h. C'était le groupe anglais The Room. L'album s'appelle Beyond the Gates of Bedlam et on a entendu She Smiles. Et juste avant, c'était un très bon groupe italien que je n'ai pas présenté, c'est Juice Primae Noctis. L'album s'appelle Istinto et la pièce qu'on a entendue, Ituto Amore. Et c'était précédé de Airbag avec Sunset de l'album A Day at the Beach. Pour revenir à Juice Primae Noctis, c'est leur premier album et c'est un groupe qui est très intéressant. Disons que ça joue dans différents registres et de temps en temps, il peut avoir un petit peu de jazz rock. Celle-là faisait un petit peu King Crimson. Il y a un petit peu de ça aussi dans leur musique. Donc, on va aller en musique avec le groupe IO Art et allons-y maintenant. Thank you. We'll be right back. c'est le très bon groupe italien Jalayan, et je pense qu'on peut comparer ça un peu à Zrek Tentacle. Et l'album s'appelle Sonic Drive, et la pièce qu'on a entendue, c'est Descent of Anunnak. On avait commencé ça avec Io Earth, et c'est déjà presque tout en ce qui nous concerne. Ça va être l'émission L'Autoroute avec Jacques Dulac qui va suivre. Mais pour l'instant, on va entendre une pièce extraite du coffret In Absentia de Porcupine Tree qui vient de sortir. Donc, c'est le disque Demos. On va entendre la pièce Train dans sa version démo. Train set in mad spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard this sound from my cousin's bed. Off the train at the railway head. Always the summers are slipping away. Thank you. distance subsides, I'm in luck. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love, it's okay. Country avec la pièce Train dans sa version démo. Et en fait, j'ai été un petit peu rapide là, pour quand j'ai dit qu'on se quittait là. En fait, il va rester une pièce et ça va être la pièce Row Seto de Eloy sur leur album Ocean 2 The Answer. Et pour moi, Eloy, c'était un très beau retour à ce moment-là. En fait, c'était Ocean 2, oui, il y avait eu le premier qui avait été très aimé, mais c'est sorti, si je me souviens bien, en 98, et ça avait été un vrai plaisir. Moi, personnellement, je suis peut-être un peu moins amateur là, de ce qui s'est fait dernièrement, mais disons que Eloy demeure quand même un groupe majeur. Donc, on va se quitter avec Eloy et rester à l'écoute pour l'émission L'Autoroute. Jacques Dulac a préparé plein de bonnes pièces à vous faire entendre. Vous rêvez d'aller voir Imagine Van Gogh, l'exposition immersive au Centre des congrès de Québec? CKRL vous offre l'expérience. Comment faire? Participez à notre concours sur la page Facebook et la page Instagram de CKRL et courez la chance de gagner votre paire de billets. Deux gagnants seront déterminés lors d'un tirage ce lundi 17 août, 9h. L'émission est disponible en balado-diffusion. Salut, ici Simon de Raton Lover, fier porte-parole de l'édition 2020 du Radioton de CKRL.